sessions in 1910. Johnny Depp. Je viens chercher du liquide gel. Chaque fois le vis à Johnny Depp. Bloc rempli de pisse, je visse un crixé. Je lui dis bon week-end. J'ai perdu la frappe dans mon jogging rabat. Je tape un move sur Billie Jean, Billie Jean. J'ai pété un platine bâtard. Et je vais faire croquer tous les miens avant les tiens. Je vends plus de barrettes, oh. Mais je suis encore manié les métaux. J'arrive en balle, RS Sport Bat. J'ai vu plus personne dans mon rétro. Je vois les vaillants, les gens réglo. Qui tiennent leur langue, tes potos. On fait plus de blagues que des carnages. Moi en scène, toi y'a pas de mytho. Hey, Billie Jean, le remix, hey, j'arrache tout comme le Covid, hey. Dans le jean, j'ai le brolic, hey. Dans la bouche de tous les emporis, hey. Ton équipe, on la connaît, hey. Tu fais partie des comiques, hey. Quand on débouche dans ton check, c'est dans la balle, dans ton bec, on se lâche avant bolide. Salut, tu me reconnais, bah t'as vu lui, je le baise, hey. Une fois que les promesses sont pas tenues, je les baise, hey. Salut, tu me reconnais, bah t'as vu lui, je le baise, hey. Une fois que les promesses sont pas tenues, je les baise, hey. 3 secondes, 1, je suis à 120. En pétard sur Paris, je sais pas. Filme la oui, tu la sens bien. C'est le ghetto, mon ami, tu sais quoi. J'suis tellement rêvé de faire de la monnaie. Que je dois en ramasser, tu me connais. J'suis les 4, pas lui dans la boîte à gants. Mais j'suis passé au que Greta côté. Remets du sky, j'suis les ouais. Oui, faut que j'évite les pertes de temps. T'inquiète, on se barre cet été. Tes cheveux, ma bitch, ils vont prendre le vent. Pour les dégarer, billets préparés, j'espère que t'es paré. RFI, ça 200, c'est pépère, la petite me prend pour un taré. Le remix, j'arrache tout comme le Covid. Dans le jean, j'ai le brolic. Dans la bouche de tous les emporis. Ton équipe, on la connaît. Tu fais partie des comiques. Quand on débouche dans ton check, tu n'auras pas le temps qu'on baisse. On se lâche à ma brolic. Salut, tu me reconnais. Quand t'as vu lui, je le baise. Une fois que les promesses sont pas tenues, je les baise. Salut, tu me reconnais. Quand t'as vu lui, je le baise. Une fois que les promesses sont pas tenues, je les baise. Comme la mer dans le cellophane. Je suis dans ta rue au col. Qui riposte, qui nous pousse à la faute. Ça va finir au poste, ça va pas plaire aux fans. Accaper ça, poser sur la putesse. Toi ouvrant, je pense qu'à la recette. C'est véritable, on est tous irritables. Il suffit d'une phrase, pourquoi t'as ta tête. En prophétie, on met des trous au bixi. Sur écoute, on gère le four au talkie. Au premier boom, mais se met tout à twerker. J'envoie des bleus, j'envoie des violets, des verdes. Les connaissances, qu'on connaît, t'arrives.